Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Quatrième épisode. Nessim a révélé à Justine son engagement dans un complot copte en liaison avec les Juifs de Palestine. Il lui a demandé de neutraliser deux hommes qui pourraient avoir eu vent du complot. D'abord le poète Percy Warden, fraîchement nommé au consulat d'Alexandrie. Puis Darley, le nouvel amant de Melissa, l'ancienne maîtresse d'un certain Cohen, membre actif de la conspiration. Un soir d'été, il était très tard, on frappa à ma porte. C'était Percy Warden, mon voisin. Pâle, mais s'efforçant de prendre un air désinvolte. Ah, Darley. On m'a dit que vous aviez des notions de médecine. Vous voulez jeter un œil chez quelqu'un de malade? En entrant chez lui, je fus aveuglé par les lumières, suffoqué par la fumée. Il y avait là trois cadets de marine, l'air passablement éméché, et une prostituée empestant la sueur et le tafia. Elle était penchée sur une masse informe installée sur un divan qui ressemblait à un lamentable masque de comédie grecque. C'était une jeune femme. Elle était inondée de sueur et ses cheveux étaient collés sur ses tempes. Son visage tremblait de douleur et d'effroi. Je lui pris le pouls et, fendant sa blouse, j'écoutais les battements de son cœur. Je l'enveloppai dans une douce couverture de Bukhara. Et nous la transportâmes, Percy Warden et moi, sur le lit, tandis que les marins et la prostituée déguerpissaient. J'appelai un médecin qui déclara que l'état de la jeune femme était très grave. Son diagnostic fut des plus vagues mais très alarmants, selon la bonne tradition de la ville. C'est tout ce que vous voudrez. Sous-alimentation, hystérie, alcool, hashish, tuberculose, mouche espagnole, vous avez le choix. Je vais retenir un lit pour demain à l'hôpital grec. En attendant, elle doit se reposer et ne se lever sous aucun prétexte. Je passais cette nuit-là sur le canapé, au pied du lit. Pendant les 12 premières heures, elle fut au plus mal, délirant parfois, souffrant d'atroces crises de cécité qui la terrorisaient. Je réussis à lui donner assez de courage pour qu'elle se domine, et l'après-midi, elle put murmurer quelques mots. Comment vous appelez-vous ? Mélissa. Chut. D'où venez-vous ? Smyrne. Comment s'appellent vos parents? Où habitent-ils? Je suis fatiguée. Elle ne dit rien de plus. Mais quand l'ambulance arriva, elle me remercia chaleureusement de l'avoir aidée, pressa ma main contre sa joue et me surprit par une délicatesse à laquelle la vie ne m'avait pas habituée. Quand je sortirai de l'hôpital, si vous n'avez pas de femme, pensez à moi. Si vous m'appelez, je viendrai. Je ne la revis pas pendant un mois ou plus. En fait, je l'avais à peu près oubliée. Puis, une après-midi torride, comme je regardais de ma fenêtre la ville assoupie, je vis une Mélissa toute changée descendre la rue et pénétrer sous le porche de la maison. Elle frappa à ma porte et entra, les bras chargés de fleurs. Une heure plus tard, nous allâmes nous promener au bord de la mer en nous donnant le bras. Ce soir, je danse au cabaret L'Étoile. Ils me reprennent en me payant moins à cause de la fatigue et de la tuberculose. L'autre nuit, j'ai eu l'impression que vous étiez médecin. J'ai commencé par étudier la médecine, mais j'ai arrêté. J'écris. Les livres, c'est ma vie. La vie à moi, c'est la solitude. J'aime me rappeler notre premier baiser près de la mer. Le vent soufflant une mèche de cheveux sur mes tempes grisonnantes. Un baiser interrompu par un délicieux éclat de rire de Mélissa. Tu veux bien de moi ? J'ai trouvé Mélissa, égarée sur le morne littoral d'Alexandrie. Pauvre petit oiseau épuisé, à demi noyé. Le sexe déchiré. « pièces de monnaie qui tombent dans les boîtes en fer blanc des mendiants. Bribes de toutes les langues, arménien, grec, marocain, yiddish d'Asie mineure, de Turquie, de Géorgie, mer née dans les colonies grecques de la mer Noire. Communauté coupée comme les branches d'un arbre, isolée du tronc, rêvant de l'Éden. Quartier pauvre de la cité blanche. Ils ne ressemblent en rien à ces belles avenues bâties et décorées par les étrangers, où les courtiers viennent s'asseoir et déguster leurs journaux du matin. Même le port n'existe pas pour nous ici. En hiver, parfois, rarement, on entend le mugissement d'une sirène, mais cela vient d'un autre monde. Ah, la misère des ports et les noms qu'ils évoquent lorsque vous n'avez nulle part où aller. C'est comme une mort. Une mort de tout l'être chaque fois que l'on prononce le mot Alexandrie. Alexandrie. À quelque temps de là, à Karmabougirg, on dressait un immense campement de tentes et de pavillons autour de la maison des Rosnani. Tapis, chandeliers et somptueuses décorations. Pour le mariage de Nessim et de Justine, Alexandrie fut littéralement dépouillée de toutes ses fleurs de serre. Les festivités durèrent 3 jours, durant lesquels Leïla garda les yeux fixés sur Justine. Elle la suivait partout et l'observait, comme on étudie les moindres gestes d'un personnage historique. Dites-moi si je me trompe. Cléa. Justine est une aventurière. Une espèce de petit serpent noir levé au cœur de la vie de Nessim. Je crois que vous vous trompez. Elle ressemble un peu à ce que j'ai été autrefois. Elle est impitoyable dans la poursuite du plaisir, mais elle est sèche. Tout son lait s'est changé en appétit de puissance. Elle me ressemble aussi dans sa façon d'être tendre et bonne. Une vraie femme aux yeux d'un homme. Je la hais parce qu'elle est comme moi, comprenez-vous? Je la crains parce qu'elle peut lire en moi. Quelques semaines plus tard, je faisais la connaissance de Justine. J'avais accepté de faire une conférence sur Cavafy, le poète alexandrin, à l'Atelier des Beaux-Arts, sorte de club où les amateurs éclairés pouvaient se rencontrer. Darla, tu n'as aucune envie d'y aller, n'est-ce pas? Lire les vers de Cavafy, imprégnés de ses amours de misère à des femmes du monde qui viennent pour une transfusion culturelle, bah! Elles se sont même privées d'une soirée de bridge pour cela, tu imagines? Alors n'y vais pas. Ce soir, je ne danse pas. Restons tous les deux à la maison. C'est bientôt l'automne. Tu as besoin d'un nouveau manteau? Agapemon. Que vous dire pour conclure? Je reste hanté par le visage du vieillard tel qu'on le voit sur sa dernière photographie. Et par ses amours qu'il s'était peut-être procuré avec de l'argent. Amours fugaces auxquels ses vers rendaient vie et qu'ils éternisaient. Avec quelle lente patience et quelle tendresse il saisissait l'instant hasardeux de la rencontre et en fixait toutes les nuances. Écoutez. Une peau de jasmin, doux pétale, un soir d'août. Mais était-ce en août? Je me souviens à peine, ses yeux splendides. Où était-ce septembre? Oui, la fin de l'été. Ils étaient bleus, je crois, oui, plus bleus que l'œil d'un saphir. Ce sera tout. Je vous remercie. Je pris ma serviette, mis mon imperméable et m'enfonçai dans les rues balayées par une petite pluie fine et pénétrante que fouettait le vent du littoral. Il faisait froid. Je longeais les boutiques éclairées dans la rue Fouad. À la devanture d'une épicerie, je vis une petite boîte d'olives avec le nom d'Orvieto sur l'étiquette. Brusquement saisi par la nostalgie d'être du bon côté de la Méditerranée, j'entrai dans le magasin, j'achetai la boîte d'olives, me la fis ouvrir, et m'asseyant à une table de marbre dans cette lugubre clarté blafarde, je me mis à dévorer l'Italie, sa chair brûlée de soleil, son sol fécond, ses vignes consacrées. Je sentais que Mélissa ne comprendrait jamais cela. Je serais obligé de mentir et dire que j'avais perdu l'argent. Qu'entendez-vous par nature antinomique de l'ironie chez Cavafy ? Je me présente. Justine Osnani. J'ai dit ça, moi. Je peux m'asseoir ? Une cigarette ? Merci, non. J'ai aimé la façon dont vous avez cité le poème Loin. C'est un de mes préférés. Vous êtes écrivain, certainement. Certainement. Une olive ? Volontiers. Elle mangea prestement l'olive, recracha le noyau dans sa main gantée et le conserva sans y prendre garde. J'aimerais vous présenter à Nessie, mon mari. Je vous emmène ? Je les connaissais de vue, comme je connaissais tout le monde en ville. De vue et de réputation, car leur façon de vivre, hautaine, désinvolte et peu soucieuse des conventions, leur avait conféré une certaine notoriété parmi nos provinciaux. Je les avais regardés danser ensemble en diverses occasions, lui, mince, la taille prise comme celle d'une femme, de belles mains aux longs doigts souples, elle et son adorable tête, l'angle très prononcé du nez arabe, et les yeux translucides agrandis par la belladone, jetant autour d'elle des regards de panthère à demi domptée. Ce fut la première fois que je vis la grande maison de Nessim, avec ses statues, ses palmiers et ses loggias, ses courbets, ses bonnards et tout le reste. C'était à la fois magnifique et hideux. Justine monta vivement l'escalier monumental, s'arrêtant seulement pour faire passer son noyau d'olive de la poche de son manteau à un vase de Chine. Je suis ici, dans la bibliothèque. Il était assis sur la dernière marche d'un escabeau, en train de lire. Il en descendit en nous considérant l'un après l'autre. Sa timidité ne savait comment réagir devant ma pauvre mise, mes cheveux trempés et ma boîte d'olive. Pour ma part, je ne pouvais lui donner aucune explication sur ma présence, puisque je ne savais pas moi-même dans quel but on m'avait amené ici. J'eus pitié de lui et lui offris une olive. Une olive d'Orvieto ? Orvieto. Le romano-gothique italien. Une splendeur. La cathédrale, les fresques de Signorelli. Whisky, champagne. Une coupe de champagne, Darley ? Alors, vous connaissez bien l'Ombrie ? Je n'y suis jamais allé. Moi non plus. Jamais par la suite, je n'étais plus près d'eux. Plus près, je veux dire, du couple qu'ils formaient. Ils m'apparaissaient alors sous les traits de ce magnifique animal à deux têtes que le mariage peut former. Comme vous nous regardez, à quoi pensez-vous, Darley ? Rien de particulier. Allez, un peu de courage, monsieur l'écrivain. Je pensais à votre amour pour votre mari. Et qu'est-ce qu'il a, mon amour pour Nessim ? C'est comme une peau dans laquelle il serait cousu. Vous comprenez ces choses, Darley ? C'est grâce à Nessim que j'ai commencé à me mouvoir avec quelque liberté dans la grande toile d'araignée de la société alexandrine. Les gigantesques réceptions qu'ils offraient me lassaient vite. Je prétextais un peu de fatigue, heureux de pouvoir disposer de l'immense bibliothèque où je me retirais pour aller lire. Les invités partis, nous nous retrouvions comme trois conspirateurs et nous jouions au piquet à la lumière des bougies. Au moment d'aller se coucher, Justine jetait un dernier regard à son image dans le miroir. Sale juive hystérique, prétentieuse, ennuyeuse. Mes moyens étaient trop limités pour pouvoir aller au cabaret de Mélissa. Ce fut donc en compagnie de Justine et Nessim que je m'y rendis pour la première fois. C'était étrange d'être assis entre eux et voir tout à coup les feux des projecteurs sur une Mélissa que je ne reconnaissais plus sous le fard épais qui donnait à son doux visage un air vulgaire et totalement dénué de sensibilité. Je fus horrifié également par la banalité de sa danse. Cependant, à contempler les mouvements souples et peu efficaces de ses mains et de ses pieds frêles, je me sentis rempli de tendresse pour sa médiocrité, pour la façon gauche et exagérément modeste avec laquelle elle salua sous les applaudissements tièdes et discrets. Elle est émouvante, cette femme, n'est-ce pas ? Munie d'un plateau, Mélissa passa parmi les tables pour faire la quête au profit de l'orchestre. Lorsqu'elle s'approcha de nous, elle avait les yeux baissés et ses mains tremblaient. Mes amis ignoraient alors que Mélissa était ma maîtresse. Mais je remarquai le regard froid et moqueur de Justine. Tandis que je fouillais dans mes poches pour en retirer quelques billets que je jetais sur le plateau d'une main qui ne tremblait pas moins que celle de Mélissa. Vous me faites danser, Tarlet ? Tu permets, Nessine ? Quand je rentrais au milieu de la nuit, un peu ivre et le cœur en fête d'avoir dansé avec Justine, Mélissa n'était pas encore couchée. Pourquoi as-tu mis tout cet argent dans le plateau ? Le salaire d'une semaine, tu es fou ? Qu'est-ce que nous allons manger demain ? Notre pauvreté nous rapprochait. Nos promenades se réduisaient presque toujours aux banales excursions que font les provinciaux dans les villes de bord de mer. Le petit tram nous emmenait dans un bruit de ferraille vers les plages de Sidi Bichir. Ou bien nous passions Chamel Nessim dans les jardins de Noussa. Ou bien encore nous allions déjeuner sous les lauriers roses en compagnie de dizaines de familles égyptiennes. Ce jour-là, en rentrant, nous aperçûmes une silhouette réfugiée sous le porche d'une maison voisine. Le col rabattu et une main à demi plongée dans la poche de l'imperméable tenant un pistolet. C'était l'ancien amant de Mélissa. Cohen encore ! Drame de la jalousie. Ma parole, tu l'as saluée, mais tu es fou ! Enfin, tu sais bien que son pistolet n'est pas chargé. Tu te souviens au début, vous assassiniez du regard à tous les coins de rue ? Cette grosse face bouffie, les traits luisants de graisse, les mains couvertes d'un poil de porc-épic, cette vulgarité. Je ne pouvais pas supporter l'idée de votre intimité. Et maintenant tu peux. Ce dégoût a duré des mois, et puis un extraordinaire sentiment de familiarité est né entre nous. Charmant. Un jour, je l'ai rencontré dans un bar, et je suis resté une bonne demi-heure assis sur un tabouret à côté de lui. On brûlait d'envie de se parler, mais aucun de nous n'a eu le courage de faire le premier pas. En partant, je l'ai aperçu dans l'un des longs miroirs au-dessus du comptoir. Il avait la tête baissée, le regard perdu dans son verre. Il ressemblait un phoque savant qui s'efforce de mimer les émotions humaines. J'ai compris combien il t'aimait. Plus que toi. Probablement autant que moi. Mon chéri, méfie-toi quand même. Je ne suis pas tranquille. C'est comme les deux autres. Les deux autres ? Les Rosnani, je ne les aime pas. Cohen connaît bien Nessim, il m'a dit... Quoi ? Quelque chose au sujet de Justine ? Non, pas Justine, autre chose. Oh, rien d'important. Viens, j'ai envie de toi. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Quatrième épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Anne Alvaro, Leila, Didier Sandre, Nessim, Valérie Lang, Justine, Garance Clavel, Mélissa, Vanessa Larré, Cléa. Et les voix de Marc-Henri Boiss, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.